On va essayer de faire un truc Coldplay. Un petit percussionniste derrière qui s'excite. Trop longtemps que je suis tout seul à fumer jusqu'au bout du filtre blanc chaque menthol. Non, ça va pas, ça. Je Je suis turbulent, je suis négatif, poussé par le vent sur quelques îles. Me suis vidé de mon sang, trop émotif. Je rêve d'un printemps définitif. Quand mon âme n'est que tourment, une épitaphe gravée pour longtemps dans les récifs, je reste pourtant dubitatif. Là aujourd'hui j'ai écouté Et toi. Ah attends, ça va aller avec ça. J'ai trouvé les paroles. C'est bon, j'ai trouvé les paroles. Est-ce que tu te rappelles de Jacques No? Est-ce que tu te rappelles de Jacques No? Trois, quatre. Dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge et qu'on n'a pas une chance. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance. Boy. Taxi girl.